Vous écoutez toujours Futur Simple et toujours sur les ondes de CKRL 89,1 d'ailleurs. Et pour finir l'émission, on va rester du côté de l'environnement, mais en examinant la toxicité des métaux. Pourquoi et comment les métaux présents dans l'environnement sont-ils toxiques? Et aussi, tout simplement, comment on fait pour évaluer, pour étudier cette toxicité? Et c'est un sujet quand même assez épineux, mais à l'INRS, pas très loin de la station de radio d'ailleurs, il y a des chercheurs qui essaient de répondre à ces questions. Et parmi eux, il y a Michel Lavoie, qui est étudiant à l'INRS et que j'ai d'ailleurs, qui est juste à côté de moi, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Michel. Oui, bonjour Madame Levé. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une question bien simple, parce que bon, on parle de l'INRS, pas très loin des studios, mais finalement, l'INRS n'est pas très très connu au sein de la population. Peux-tu nous en faire une brève description? Eh bien oui, l'INRS, c'est une université qui offre seulement des programmes d'études à la maîtrise et au doctorat. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de baccalauréat, à proprement dit, à l'INRS. C'est une petite université, on est à environ 200 étudiants. Mm-hmm. Donc, c'est très peu comparativement à l'Université Laval, il y a des milliers d'étudiants. Et puis, les sujets, ça porte sur quoi, les sujets d'études? Il y a différents sujets d'études. C'est axé, il y en a en environnement. C'est surtout axé sur l'environnement, puisque c'est l'INRS au terre environnement. D'accord. Il y en a sur la paléoécologie, la paléolimnologie, la toxicologie. Mm-hmm. Les changements climatiques, il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus. Comment séquestrer le CO2 à l'intérieur du sol. J'en passe. D'accord, certainement, oui. Donc, toi, en fait, tu étudies, comme je disais, la toxicité des métaux. Moi, je me demande comment on fait pour étudier la toxicité des métaux, en fait. Comment on fait pour étudier la toxicité oui. des métaux? C'est vrai que c'est peut-être pas une tâche facile. Il faut, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en laboratoire. Oui. On travaille avec, on fait croître des organismes en laboratoire. Nous, on travaille plutôt avec les algues phytoplanctoniques. Avec des algues? Des algues phytoplanctoniques. Oui, oui. On les expose à des concentrations définies de métaux. Mm-hmm. Et on regarde c'est quoi l'effet, quel effet ont les métaux sur le métabolisme, sur la croissance de ces organismes en laboratoire. Donc, on regarde si les algues poussent bien, finalement. Si elles poussent bien, oui. On leur met du métal dessus, puis on regarde si ça pousse bien. On met des métaux dans l'eau et on regarde quel impact cela peut avoir sur la vie aquatique. Et pourquoi faire ça sur des algues? Parce que c'est des organismes qui sont très, très simples à étudier. Donc, pour mieux comprendre les mécanismes de toxicité, ça vient mm-hmm. nous aider de mm-hmm. beaucoup. Mm-hmm. C'est aussi des organismes qui sont à la base de la chaîne alimentaire. C'est par ceux-ci que les métaux vont transiger un peu, en fin de compte, ouais. vers le haut de la chaîne alimentaire pour mm-hmm. atteindre ultimement l'homme. Oui, c'est vrai. Si les algues sont contaminées par les métaux, on va retrouver ça aux échelles supérieures, finalement, jusqu'à ce que... Donc, on parle des métaux, c'est quand même assez large. Est-ce qu'il y a un métal particulier sur lequel tu te concentres? Ben oui. Moi, dans mon cas, je travaille surtout sur le cadmium, qui est un métal qui est très étudié, puisque c'est un métal d'intérêt problématique, mm-hmm. d'après Environnement Canada. C'est un métal qui peut être très toxique à des très faibles concentrations pour les organismes qu'on retrouve en milieu naturel. Donc, c'est un métal que Radio-Canada a identifié comme étant potentiellement dangereux pour la santé humaine également? Oui, pour la santé, ouais. Pour la santé humaine également. Tu connais peut-être un peu moins la toxicité chez les organismes humains. Mais il y a eu des cas au début des années 1900. Le cadmium peut s'attaquer, mener à des problèmes de développement osseux ou des cas d'insuffisance mm-hmm. rénale reliés à les intoxications au cadmium. Mais le cadmium provient surtout, on peut dire, d'émissions d'industrie minière. Mm-hmm. Ouais, du zinc, du plomb. Je me demandais où est-ce qu'on trouvait du cadmium dans l'environnement. Est-ce qu'il y en a dans la nature du cadmium? Ah oui, certainement. Naturellement. Oui, c'est un métal qu'on retrouve sur Terre naturellement, mais en très faible concentration dans la croûte terrestre. Et il est sûrement... Il est à l'état métallique ou il est lié avec d'autres éléments? Il est à l'état... il est lié... Avec du soufre? Il est lié avec le soufre, oui, en majorité, dans la croûte terrestre. On le retrouve surtout dans des gisements de zinc. On le retrouve peu sous forme de gisements de cadmium, peu, en fin de compte. Et finalement, donc, on le retrouve via dans les gisements. Mais toi, tu t'intéresses aussi à la toxicité en milieu aquatique. Donc, comment que ça passe en milieu aquatique? Ah, c'est au niveau de la dissolution, c'est seulement un processus d'érosion et de dissolution des métaux. Et aussi, il y a des sources qui proviennent aussi de via bon, le transport atmosphérique, qui bon, les particules aéroportées, oui, vers le milieu aquatique. Et puis là, ça se retrouve sous forme de métal, d'ion. Sous quelle forme il est? Est-ce qu'il est dangereux sous toutes ses formes? Il va être dangereux surtout sous la forme libre, selon le modèle de l'ion libre. Modèle de l'ion libre? Oui, le modèle de l'ion libre. Ça, j'imagine que c'est un modèle que tu étudies? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est un modèle qui stipule, en fin de compte, que la toxicité et l'accumulation des métaux est proportionnelle à la concentration du métal libre en solution. Ben, le métal libre, c'est une forme chimique des métaux dans l'eau, mais qui, en fin de compte, n'est pas lié à aucune autre molécule. Ou aucun autre ion, quoi. Aucun autre ion, oui. Il est vraiment comme... C'est des plus deux, là. En fait, oui, c'est des deux plus, oui. OK, d'accord. Donc, il est juste entouré de molécules d'eau. Pour l'hydrater. En effet. Mais est-ce que dans l'eau, parce que là, cet ion-là est donc toxique quand il est dans l'eau, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres ions qui vont être toxiques également dans l'eau, puis qui peuvent être un peu comme des compétiteurs ou qui vont... La toxicité des métaux, c'est une tâche qui est très, très, très complexe. Il faut absolument passer par des modèles informatiques afin de bien déterminer, puis de modéliser, puis de comprendre comment un métal peut être toxique chez un organisme donné. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer sur la toxicité même de l'ion libre. C'est vrai que la toxicité est proportionnelle à la concentration de l'ion libre en solution, mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent l'affecter. Enfin, donc, comme le calcium, la dureté de l'eau, en fait, comme la concentration de calcium, de magnésium, le pH de l'eau, l'acidité. C'est un fait assez important, ça, parce que quand le pH est élevé, les métaux lourds sont moins solubles. Oui. Parce qu'ils sont sous forme d'hydroxyde. Là. Oui. Donc, ça veut dire que dans tes expériences, concrètement, tu as des algues dans de l'eau, puis tu leur mets du calcium, du cadmium ou différentes choses, et tu cherches à déterminer dans quelles conditions le cadmium va être le plus toxique ou le moins toxique, selon les autres facteurs? Oui, c'est ça. On cherche à déterminer quel effet ont les autres facteurs, puis là, on est capable de dériver un autre modèle, le modèle du ligand biotique, qui, lui, il stipule un peu la même chose que le modèle de l'ion libre, mais il inclut l'effet des cations compétiteurs, comme le calcium, le magnésium, les protons, qui vont conférer un effet protecteur aux organismes contre la toxicité du cadmium. Ça veut dire qu'un effet protecteur, ça veut dire qui va diminuer la toxicité. Oui, un mécanisme de compétition. En fin de compte, c'est que les cations en solution, les ions positifs, le calcium, le magnésium, vont pouvoir prendre la place du cadmium qui serait lié autour de l'organisme, autour des cellules. D'accord. Est-ce que ça pourrait même l'annihiler complètement, la toxicité du cadmium? Là, ça prendrait des... Des tonnes de calcium. Des tonnes de calcium. Il y a aussi le nickel, je pense, qui rentre en ligne de compte là-dedans. Le métal nickel, le nickel qui est en solution, non? Le nickel, c'est un compétiteur. Un compétiteur, qui pourrait avoir un effet. Ça, tout dépend du ratio de la concentration du métal compétiteur et du cadmium en solution. S'il n'y a vraiment pas beaucoup de cadmium en solution, peut-être qu'une petite variation du calcium, du magnésium en solution va avoir un très grand impact sur la toxicité du cadmium. Mais là, quand il y en a plus, il faut tout regarder ça en détail à l'aide des modèles informatiques. Donc là, finalement, tes travaux, c'est pour améliorer ce modèle, donc le modèle de l'ion libre, je crois, tu as dit. Ensuite, le modèle, donc, quand le cadmium est tout seul dans l'eau. Ensuite, modèle du ligand biotique, selon qu'il y ait d'autres. Le modèle du ligand biotique, selon qu'il y a le calcium, le magnésium, les protons. Ça. Mais moi, dans mon cas, ce qu'on est en train de faire durant mon doctorat, on regarde plutôt l'effet des éléments essentiels sur la toxicité et l'accumulation du cadmium chez une algue d'eau douce. Les éléments essentiels, c'est lesquels? Comme le fer et le zinc. Ah, d'accord. Donc, essentiel pour l'organisme. Oui, essentiel pour la croissance de l'organisme. Qui ont un rôle pour le métabolisme même de l'organisme. Et donc, la conclusion de ces études-là sur ces éléments essentiels, comment ça joue sur la toxicité du cadmium? À date, en tout cas, on a vu que ces éléments essentiels-là, ils ont un très, très grand effet ils ont un très, très grand effet protecteur, en fin de compte, sur la toxicité. du cadmium. Ils peuvent diminuer de beaucoup la toxicité du cadmium, même à de très faibles concentrations. Ah. Ça, c'est, ça serait plutôt... Et ça devient un peu difficile de l'interpréter comme le modèle du lien biotique avec seulement un mécanisme de compétition, puisque leur concentration de fer et de zinc libre est très faible par rapport au cadmium en solution ou du calcium, par exemple, qui est en solution. Ça fait que là, on suggère, en fin de compte, d'après nos travaux, que peut-être que le l'algue pourrait s'acclimater en présence de beaucoup de métaux essentiels dans l'environnement. L'algue a besoin de moins d'un peu de porte d'entrée autour de, des cellules pour prendre en charge et pour accumuler ces métaux essentiels, puisqu'elle en a assez. Donc, elle restreint un peu le passage des éléments essentiels, et en restreignant le passage des éléments essentiels, le cadmium... Elle ferme la porte au cadmium. Oui, elle ferme la porte à un métal non essentiel qui passe par inadvertance. Ah, oui. Il y a ces mêmes portes d'entrée autour des cellules. Ouais. Donc finalement, ça va affiner le modèle de toxicité du cadmium, et peut-être même, est-ce que ce modèle-là pourra peut-être s'étendre à d'autres métaux? Ah oui, on peut s'attendre que ça pourra avoir des impacts pour les autres métaux aussi. Ben, je pense qu'on aurait pu continuer à en parler un peu plus longtemps, mais c'est un petit peu tout le temps qu'on a. Je suis désolée, Michel, mais peut-être que tu reviendras nous en parler plus longuement à une autre fois, peut-être. Ah ben oui, je serais ravie de revenir si vous voulez. Mais on a eu le temps d'en parler beaucoup. Ouais. Je suis très content. En tout cas, c'est assez heureux parce que ça nous a permis quand même de présenter les projets de recherche qui se passent à l'INRS, ici à Saint-Roch.